les angoisser, les femmes à les flipper sans âge. Ceux qui sur un bateau ne couchent que dans les canots de sauvetage. Ceux qui ne traversent les rues qu'au bras de petits loups vedous. Qui chargent leur nicorne de balles doum-doum quand ils partent en safari photo. Moi je suis cool à Liverpool, je suis relax à Honduras. Moi je suis plein nord à Perpignan, je file un trip super à Vancouver. Il y a tous ceux qui en rajoutent de peur de n'en faire pas assez, qui donneraient leur démission pour éviter de se faire virer. Ceux qui s'inquiètent chaque année de ne pas assez payer d'impôts, qui votent à droite pour éviter qu'il y ait un jour un push des généraux. Moi je suis cool à Liverpool, je suis relax en Honduras. Moi je suis plein à Perpignan, je file un type super à Vancouver. Il y a tous les hommes qui ont peur des femmes libérées, qui disent qu'ils ne supporteraient pas qu'on les traite comme des objets, qui n'acceptent de faire l'amour que si on leur laisse le dessus, qui se déshabillent dans le noir de peur qu'on puisse les voir tout nus. Il y a tous ceux qui gardent un œil sur la ligne bleue de l'Himalaya, qui révisent leur petit livre rouge pour le jour où ça viendra, qui se préparent en creusant un abri dans leur jardin avec une réserve de boîtes de cassoulet William machin. Moi je suis cool à Liverpool, je suis relax en Honduras. Moi je suis planant à Perpignan, je file un truc super à Vancouver. Moi je suis cool à Liverpool, je suis relax en Honduras. Moi je suis planant à Perpignan, je file un truc super à Vancouver. Moi je suis cool à Liverpool, je suis relax en Honduras.